notre Père céleste. Baba yetu liye mbinguni. Que tu sois loué, Seigneur. Usifiwe Bwana. Tu sais que nous venons de chanter que nous t'aimons. Unajua kwamba tunatoka kuimba kwamba tunakupenda. Réellement, tu le sais, Seigneur. Hakika kweli Bwana unajua vile. Et tu le mérites. Na unastahili ile. Parce que tu nous as aimé le premier. Juu ulitupenda wa kwanza. Et nous avons suivi. Na tukafata. Merci pour ce salut. Asante juu ya wokovu. Merci pour cette joie du salut. Asante juu ya furaha ya wokovu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Asante juu ya uwepo wako katikati yetu. Merci puisque tu nous as élus. Asante juu ya ulituchagua. Et tu nous as révélé ta divine part. Na katufunulia sehemu yake ya kimungu. Maintenant nous sommes devant toi, Seigneur. Sasa hapa tunakuwa mbele yako Bwana. Confessons notre incapacité. Tunakiri au peuple. Tunakiri e Mungu kutokueneana kwetu na kosa kwetu kwa nguvu. Et nous t'invitons de nous assister. Na tunakualika Bwana utusaidie. Et nous comptons sur toi, Seigneur. Na tunakutumainia wewe. Dispose le cœur de chaque frère. Tayarisha moyo ya kila ndugu. Et de chaque sœur. Na kila dada. Et sois avec l'esprit de chacun de nous. Na uwe na kila na roho ya kila mmoja wetu. Au nom de Jésus-Christ, nous recommandons à toi. Katika jina la Yesu Kristo tunajitoa kwako. Amen. Amen. Je vous salue encore ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na msalimia tena mangaribi ya leo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nous continuons avec notre sujet. Tunaendelea na shina yetu. Nous étions arrivés quelque part. Tulifikia fazi moja. Nous avons vu les éléments qui déclenchent. Tuliona déclencheur de la colère. Tuliona vitu vile biko na lamusha kakasirani. Et je vous invite de veiller beaucoup à cela. Na mimi nimealika mupate kukisha sana yulu ya ile bitu. Si vous parcourez toute cette Bible, mukitembea mu Biblia yote, vous verrez que parmi les mauvaises choses qui ont fait que l'on puisse rater les bénédictions de Dieu, c'est toujours la colère. Parmi eux, il y a la colère. Mutaona kusema kati ya bitu bile vilipusisha watu kuona ufalme wa Mungu, kati yao upeko katirani. Ne négligez pas ce petit sujet. Mushisule akashina kadogo. Amen. Amen. Ça peut te faire rater beaucoup de choses. Kana wezi ukupusisha bitu bya mingi. Tu peux ne pas rater la vie éternelle. Unawezi hata kukosa uzima milele. Tu peux ne pas rater la vie éternelle. Unawezi kupata uzima milele. Tu peux ne pas rater la vie. Unawezi kukosa uzima milele. Mais tu peux rater beaucoup de grandes choses de Dieu. Lakini unawezi kukosa vitu vikubwa vya Mungu. À cause de la colère. Juu ya hasira. Tu n'es pas meilleur plus que Moïse. Hauna mzuri zaidi kuliko Musa. Tu n'es pas meilleur plus que le prophète qui est parti à Tarsis. Hauna mzuri zaidi kuliko Nabii. Hauna mzuri zaidi kuliko Yona. C'était des grands hommes. Walikuwa watu wakubwa. De la Bible. Ba Biblia. Mais des fois leur côté humain. Wakati ingine hali yabo tu ya kimutu. Quand tu ne fais pas attention à ton côté humain. Kama usopoke na uzaifu wako wa kimutu. Tu peux rater beaucoup de choses. Unaweza kukosa vitu vya mingi. Amen. Amen. La Bible nous parle des grands hommes de la vie. Biblia iko na tosha juu mambo ya watu wakubwa. Qui ont laissé la colère avoir le contrôle sur eux. Wale waliacha asira kuwaongoza. La Bible nous parle de Balaam. Biblia inatuonesha juu ya Balaam. Il est parmi les prophètes qui ont prophétisé sur l'arrivée de Jésus-Christ. Eko kati ya wanabii wale walitabiri njoo akuja kwa Yesu Kristo. Mais excédé par la popularité. Lakini alipitiwa njutu ya kavumu yake. L'honneur et la gloire. Heshima na utukufu. Parce que ces trois choses doivent marcher avec aussi l'argent. Njoo hivi vitu vyote tatu vinawezi vile vile kutembea pamoja na franga. Amen. Amen. Tu ne peux pas être esclave de la gloire et l'honneur sans pour autant chercher l'argent qui achète la gloire et l'honneur. Hauwezi kuwa mtumwa wa heshima na kavumu bila kuwa na franga ile iko na uzaga kavumu na heshima. Amen. Amen. En voulant beaucoup avoir l'argent. Ukupenda kuwa na franga mingi. Balaam a orienté le don que Dieu lui a donné. Aliongoza zawadi ile Mungu alimpatia vers la gloire et l'honneur. Kwenda kukavumu na heshima. Vers la facilité d'avoir l'argent. Na kwenda kuwepesi kwa na namna kupata franga kwa wepesi. L'argent ce n'est pas un démon. Feza haina demona pana. Mais c'est l'amour excessif de l'argent qui est un démon. Lakini ni mapendo ya mno ya franga ndio yenye kwa demona. Si l'argent était un démon. Kama feza ilikuwa demona. Alors ce tabernacle est construit par le démon. Kusema hii maskani inajengwa na mapepo plus tard, ce micro a été acheté par le démon. Et micro il usiwa na mademona. Dieu a permis que l'argent soit là. Mungu aliruhusu fedha iwe. Sachant la force, la puissance qui est dans l'argent. Mwenye kujua uwezo nguvu yenye kwa mfranga. Dieu nous a donné le salut. Mungu akatupatia wokovu. Nous a donné le Saint-Esprit. Akatupatia Roho Mtakatifu. Pour que le Saint-Esprit en nous. Ili Roho Mtakatifu ndani mwetu. Domine l'argent. Itawale franga. Dirige l'argent. Iongoze franga. Pour ce qui est utile. Kwenye kwa ya mafaa. La beauté ne vient pas de Satan. Urembo haitoki kwa Shetani. Une belle femme. Mwanamke mrembo. C'est une créature de Dieu. Ni kiumbe wa Mungu. C'est Dieu qui lui a donné la beauté. Mungu ndiye alimpatia ile urembo. Mais tu dois prendre cette beauté. Sasa unapaswa kubeba ile urembo. Que Satan chérit tant. Ile Shetani kuna tamania wakati sana. Te détruire, tu apate kuharibu, et détruire plusieurs, na kuharibu watu wengi, tu dois prendre cette beauté, unapasha kubeba ile urembo, la mettre entre les mains de Dieu, kuirudisha mikono ya Mungu, pour que Dieu à son tour, juu Mungu naye, puisse utiliser cette beauté à sa gloire, apate kutumia ile urembo yako mu utukufu yake. Amen. Amen. Que le Seigneur nous assiste à comprendre. Bwana tusaidie tupate kushikia ibintu. Nous sommes en train de parler sur la colère de l'homme qui n'accomplit pas la justice de Dieu. Tuko nasema yule akasirani ya mtu aitimize wake wa Mungu. Je Dieu de lâcher une partie de ce message. Mungu anisaidie kunipata kumaliza kusehemu ya hii ujumbe. Vous verrez que même parmi les conditions pour établir un évêque, Dieu relève aussi la colère. Mungu mtaona kwamba hata katikati ya makanuni ile Mungu analeta njoo kuweka askofu, Mungu anataya amu na kasirani. Si nous lisons dans les livres de Tite. Tukusoma mu kitabu ya Tito. Amen. Lisons dans les livres de Tite. Tusome kitabu ya Tito. Vous y trouverez quelque chose que Dieu dit là-dedans. Mutaona mu kitu Mungu anasema ndani. Amen. Amen. Tite chapitre 1er. Tito sura ya kwanza. Et le verset 7. Mstari ya 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Kwani inapasha askofu awe bila kemeo. Comme économe de Dieu. Soa mchungaji na wa Mungu. Amen. Amen. Qui ne soit ni arrogant, askio wa yauri, ni colère, wala wakasirani. Amen. Amen. Vous voyez que même le Saint-Esprit, munaona hata Roho Mtakatifu, il a parmi les critères, katikati ya makanuni ya kutimiza, que l'évêque doit éviter quand il exerce son ministère de local. Ile askofu anapaswa kuepuka wakati anatumia huduma yake ya kanisa mkanisa pahali. Éviter que l'esprit arrogant ne puisse pas agir en lui. Anapasha kuepuka ile roho ya yauri ya kiburi isitumikishe ndani mwake. Et il doit éviter aussi de ne pas être colérique. Na anapasha kuepuka asikwe mtu wa kasirani. Aujourd'hui je vais vous montrer que la colère. Leo mitemonesha kwamba kasirani prend tout le monde. Iko nashika watu wote. Mais néanmoins. Lakini hata vile. Il y a des personnes. Kuko batu. Au caractère. Benye kwa na tabia. Au tempérament. Benye kwa na hali ya ndani ya kisilani ya hasira. Et c'est un démon grave. Na ule ni demona wa hatari. Amen. Amen. Et il faut beaucoup prier Dieu. Inapasha kuomba sana Mungu. Pour que Dieu te délivre de cette emprise, cette mainmise de la colère sur toi et en toi. Ndio Mungu akukomboe kukushikwa kwa sirani kule kuku yulu yako na ndani yako. Amen. Amen. Ndio. La idée. Il faut qu'il évite qu'il ne soit ni colère. Hapa banasema askofu haipashwe kuwa kasirani juu ya nini? Il a le pouvoir. Ndio eko na uwezo. Il a le pouvoir sur l'église locale. Eko na uwezo yule ya kanisa ya pahali. C'est pas pour qu'on l'appelle président du culte. Aina kwa kuwa banamuita sasa mwongozi wa ibada. Il est président du culte. Yeye mwongozi wa ibada. Ni yeye askofu. Il est responsable local. Yeye mwenye kuwa na busiti wa pahali. Il est appelé encore ancien de. Anaitwa tena mzee wa kanisa. Amen. Amen. Maintenant ce pouvoir qu'il a là. Ça, il est ouais, c'est qu'on a eu. Il doit éviter que la colère ne puisse pas s'immiscer dedans. Anapasha kuepuka kasirani singizwe ndani ya ile uwezo qu'on a eu. Imagine tu as déjà le pouvoir. Waza mbele tu uko na uwezo. Et tu laisses la colère utiliser ce pouvoir là. Kisha sasa unaacha hasira itumikishe ile uwezo qu'on a eu. Les gens vont te fuir. Basi tupata kukimbia. Oui. Ndio. Quelqu'un avait aussi le pouvoir. Mtu mmoja alikuwa kana vile vile na uwezo. Mui Biblia. Son nom c'est Nabal. Jina lake ni Nabal. L'époux d'Abigaël. Bwana wa Abigaël. Abigaël, ça veut dire la joie de mon père. Abigaël maana yake furaha ya baba yangu. Amen. Amen. Abigaël a eu cette. Dieu a permis qu'il soit dans le foyer d'un homme du nom de Nabal. Mungu aliruhusu Abigaël akwe mundoa na mtu ule jina yake Nabal. La Bible nous parle des détenteurs du pouvoir. Biblia inatuonesha juu ya watu wale walikuwa na uwezo. Il y a les puissants. kuko bale batu banguvu, il y a les nobles, kuko baishimiwa, il y a les sages, na kuko wa hekima. Amen. Amen. Ces gens là, wale watu, les nobles sont des rois, wa des notables, wa des présidents, kuna wa falme, wa gouverneur, wa raisi, wa gouverneur, wale watu wenye kuna mamlaka ni waheshimiwa, watu wa nguvu, les puissants, bantu banguvu, ce sont ceux qui ont le pouvoir économique, wenye kuna uchumi na franga. Et Nabal était parmi ces gens-là. Na Nabal alikuwa kati ya wale watu. Il était puissant. Alikuwa wa nguvu. Mais la Bible nous dit. Lakini Biblia inatuonesha. Si vous continuez très loin. Mkiendelea mbali kule na usoni. La Bible dit. Biblia inasema. David a envoyé les gens. Daudi alituma batu. Comme c'était le jour où c'était le jour de joie pour Nabal. Sabi ilikuwa siko ya furaha kwa Nabal. La Bible nous dit. Biblia inatuonesha. N'entrez pas dans la maison de ton frère au jour de détresse, de sa détresse. Biblia inasema usiingie munyumba ya ndugu yako siku ya ole yake. Ah, il n'est pas de bonnes humeurs. Ashina mwali ya mzuri hapana. Amen. Amen. Ce n'est pas le jour où tu viendras nous présenter des requêtes de doléances. Aina siku wako ndio mwita mahitaji yako nayo. Yeye mwenyewe ana mwali ya mzuri. Mais la Bible nous parle. Lakini Biblia inatuonesha. Amen. Amen. Que Nabal. Ya kwamba Nabal. Il faisait tondre ses moutons. Alikuwa anatosha manyonya ya bankondo yake. C'était le jour de joie et de bonheur pour les levers. Ilikuwa siku ya raha ya furaha kwa puisqu'il récolte. Amen. Amen. Amen. Et David connaissant les voies du Seigneur. Na Daudi mwenye kujua manjia ya Bwana. Vous lirez dans la Bible. Mutasoma Biblia. Akasema na watumishi yake. Allez auprès de Nabal. Mwende kwa Nabal. Puisque c'est un jour de joie pour lui. Njui ni siku ya furaha kwake. Dites-lui. Mumoneshe. Notre maître David. Bwana wetu Daudi. Il est affamé. Eko na njaa. Il a besoin de la nourriture. Anahitaji chakula. Et dites-lui, na mumoneshe, ce n'est pas seulement que nous venons le jour de joie, mais aussi nous avons gardé tes brebis. Lakini vile vile tulichunga kondo zako. Et nous avons gardé même tes bergers contre les mauvaises personnes. Na tulichunga tabachunga kondo yako kubatu babaya. Venez nous faire grâce. Upate kutupandia nous kulema, sommes dans le besoin. Tuko katika itaji. Alléluia. Amen. Et on apporte le message, les messagers ont transmis fidèlement le message à Nabal. Na wajumbe wakapeleka ile ujumbe waaminifu wote kwa Nabal. Écoutez la réaction de Nabal. Sasa mufuate namna gani Nabal alitenda. Il était pendant sa période de joie et de bonheur. Mtu alikuwa katika wakati ya furaha yake na raha yake. Par exemple, je partout, je passe au Katanga. Kwa mfano pazo tumepita au Katanga. J'apprends les frères, ils sont dans leur chef, ils sont en train de récolter le maïs. Ni unapata habari kusema banduku biko mashamba, boko mvuna miji yabo. Le jour de récolte pour un cultivateur, c'est le jour de joie. Siku ya mavuno kwa mlimaji ni siku ya furaha. La souffrance qu'il a enduré, la peine, mateso, la chaleur, les dépenses, physique, matériel, ainsi de suite. Ujitoa mwili. Il récolte. Sasa anavuna. Comme il récolte. Sasa bila anavuna. Son cœur est dans la joie. Moyo wake uko katika furaha. C'est ainsi que David enverra. Ndio vile sasa Daudi akatuma batu. Écoutez la réponse de Nabal. Sasa mfuate jibu na Nabal. Qui est ce David? Daoud yule ni nani? Un homme là qui fuit son maître quelque part. Mou, tu l'as kimbia, bwana moi, kipa, Nabal, na mie, Nabali, je vais prendre mon vin, mon yangu, vin, yangu, que je prépare à mes ouvriers, et le donner à un rebelle qui fuit son maître quelque part. Wana kimbia, wana wache, fazi moya hizi. Ça c'est quel langage? Hii ni musemeo ya je. Un langage motivé par la colère. Musemeo yenye kusukumwa na kasirani. Un langage motivé par l'arrogance. Musemeo ya yauri. La Bible dit. Biblia nasema. Que les serviteurs de David. Yaka watumishi wa Daudi. Sont rentrés. Wakarudia. La Bible dit que il les a soudoyés. Ya kwamba Biblia nasema aliba federesha. Amen. Amen. Il les a soudoyés. Alibafunza mioyo. Et ils sont partis avec cet état d'esprit et le message qui accompagnait. Na barienda muali ya miwa kufunjika na ujumbe ile barabatia. Chaque message il y a un esprit. Kumkongo ya kila ujumbe kuna ilaka roho. Amen. Amen. Derrière chaque parole que tu ouvres, il y a un esprit. Kukila msemo yako leo unasema kuko roho fulani. Et le prédicateur quand il prêche, il y a aussi un esprit qui l'accompagne. Na mhubiri naye wakati kuna mhubiri kuko roho fulani unamshindikiza. Imaginez qu'il est ivrogne. Mwaze kwamba kama yeye ni mlevi. Il vit dans les débauches. Anaishi muzinifu musharati. Mais il a les dons. Sasa yuko na zawadi. Ce sera là. Upako itakuwa hapo. Il va préparer. Atasema. C'est la parole. Ni yule neno. L'esprit par lequel il parle. Lakini roho yenyewe anasemea na yeye. C'est l'esprit de débauche. Ni roho ya usharati ndio unapeleka. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mnanifuata. Et maintenant ils sont partis. Ils ont rapporté fidèlement les paroles. Et l'esprit qui était sur Nabal est parti avec les envoyés. Wakapeleka ujumbe na waminifu wote. Na roho yenyewe ilikuwa yule ya Nabal ilikuwa abashindikiza kwa pepo nayo. David l'homme selon le cœur de l'Éternel. Daudi mtu kufuata na moyo wa milele. A été saisi de ces paroles. Akashikwa na ile misemo. Et l'esprit qui était derrière. Na roho yenyewe ilikuwa kumkongwa ile misemo na Nabal. Et la Bible dit David était en colère. Na Biblia inasema Daudi akakuwa katika hasira. Et il a dit. Na akasema. Je le jure au nom de l'Éternel. Na alaba mujina wa milele wa majeshi. Aujourd'hui. Leo hii. On ne parlera plus de Nabal. Abata semaka tena mambo ya Nabal. On ne parlera plus qu'il était élevé. Abata semaka kwamba alikuwa mtu akufuka. Il nous a rendu du mal au bien que nous lui avons fait. Anaturudishia vibaya kumema ile tuliweza kumfanyia. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Mungu asipendeke mtu asio kushukuru. Ils sont descendus. Bakashuka. Ouais. Alléluia. Amen. Et David avait des vaillants hommes. Na Daudi alikuwa na watu bashuja. Mais Dieu. Lakini Mungu. D'amour. Wa upendo. Dieu qui protège ses enfants et ses serviteurs. Mungu yeye kulinda watoto wake na watumishi wake. Il a vu que David descend sous une grande colère. Akaona kwamba Daudi yeye anakashuka na bichilani bichana. Et Dieu ne voulait pas que David. Na Mungu asikupende Daudi. Soit trempé dans l'histoire de la mort de Nabal. Ajingize mu mambo ya lufu la Nabal. Est-ce que vous me suivez? Et tu m'as dit, quand Dieu t'aime, wakati Mungu anakupenda, atakulinda. Ils sont descendus. Bakashuka. Mais Dieu d'amour. Lakini Mungu wa mapendo. Est entré dans un serviteur. Akaingia ndani na mtumishi moyo. Wa Nabal. Qui était là? Ule alikuwa pale. Il a suivi ce que Nabal a dit. Alifuata ile yote Nabal alisema. Il est parti auprès de d'Abigail. Akaenda kuhulu kwa Abigail. Akamwonesha Abigail. Tu sais ce qui s'est passé? Unajua mambo lipitika? Voici comment David a envoyé. Tazama namna gani Daudi alituma mtume wake. Voici ce qu'ils ont dit. Tazama ile alisema. Voici ce qu'ils nous ont fait. Na tazama ile alifanya. Ils ont toujours été utile. Kila mara wanakusaidianga lakini tazama namna gani bwana alijibu. Écoutez le serviteur là. Sasa msikie yule mtumishi. Frère, ndugu. Personne ne te connaît plus que ta femme. Hakuna mtu anakujua mzuri kuliko bibi yako. Personne ne te connaît ma sœur plus que ton épouse. Dada yangu hakuna mtu anakujua mzuri kuliko bwana yako. Personne ne connaît le conducteur de cette église comme les brebis de cette église. Hakuna mtu anajua uongozi ya kanisa kuliko bwana. Personne ne vous connaît plus que vos bergers. Na hakuna mtu anamjua moyo kuliko baongozi benu, bachungaji benu. Amen. Amen. Rapporter. Voyez ce que tu vas faire. Ona kile utafanya. Je sais. Najua. David. Daudi. Là où il est. Kule eko. A recevoir ce message. Mukupokea ile ujumbe. Je pense que ça ne sera pas un bon message. Na waza kusema haitakuwa ujumbe mzuri kwake. Le danger qu'encourt ton mari est grand. Hatari ile bwanako anaweza kupata niko mkubwa. Voyez ce que tu peux faire. Ona kile unaweza kufanya Abigail. Nabal. Sasa bila kika kweli Nabal. Alikuwa sasa jina lake. Na Abigail. Alikuwa na vile vile sasa jina lake. Amen. Dieu. Mungu. Dans son amour pour David. Katika upendo wake kwa Daudi. Na njoo Abigail. Dieu. Mungu. A inspiré ce serviteur. Akasukuma ule mtumishi. Abigail. Abigail. A reçu favorablement. Akapokea mzuri mzuri ile ujumbe. Na préparé demain. Na katengeneza chakula mzuri. Elle a pris des gâteaux. Akabeba mkate. Akabeba vinyo, akaweka yule babu. Biblia inasema elle est partie sans que son mari Nabal le sache. Akaenda bila bwana yake Nabal apate kujua kusema naenda. Nabal était comme son nom. Nabal alikuwa paka vile jina lake. Le serviteur dira ceci. Mtumishi akasema hivi. Nabal. Nabal. Ton mari. Bwana yako. Personne. Hakuna mtu. N'ose l'approcher. Ona kama mkaribia. Car il est méchant. Kwani yeye ni mtu muovu mbaya. C'est un homme méchant. Ni mtu mbaya. Quand quelqu'un est méchant. Wakati mtu yuko mbaya. Quand quelqu'un est colérique. Wakati mtu yuko mkali. Tout le monde le vit. Bantu bote wanamwepuka. Tout le monde ne veut pas son approche. Bantu bote wapenda mkaribia. Kupinganishana naye wapenda. Est-ce que vous me suivez? Aiti mbona inifuata. Sir, si tu es colérique. Kama uko kashikani. Si tu es méchant. Kama uko mtu mkali. Les gens vont t'éviter. Bantu watakuepuka. Et le mal va t'atteindre. Na kubaya utakupata na utasema. Jua nini wa mkunionesha hapana. On a peur de te le dire. Tu unaboka kukuonesha mambo. Ce que tu dégages. Jini wako la tosha. Comme sentiment. Sawa nia. Comme climat. Sawa hali. Il est nauséabonde. Haiko ya kutapiki ya bubaya. On en a peur. Tu unaogopa. On t'évite. Tunakuepuka. Amen. Amen. Oh, le Saint-Esprit, Rome takatifu, il est venu alikuja, prendre la mauvaise chose kuchukua kitu kibaya, et nous donner sa bonne chose. Na kutupatia kitu kyake kizuri. Et David est descendu. Na Daudi akashuka. La femme chemin faisant. Muke msafari yake. Rencontre David. Akatanishana na Daudi. Elle se prosterne. Akainama. Amen. Amen. La bienveillance. Chaque chrétien, c'est un homme de paix, c'est un homme respectueux, c'est un homme révérencieux. Comment tu t'adresses au serviteur de Dieu? Comment tu t'adresses à ton mari? Comment tu t'adresses à quelqu'un, à ton supérieur? Comment tu t'adresses à Dieu? Et il se prospère. Na Abigail akainama. Vit éternellement au roi. Oh, oui, shimilele wa milele. Comme l'ange de l'éternel. Ukus ama malaika wa milele. Pardonne les paroles insensées de mon époux. Usamehe maneno ya upumbafu ya bwana yangu. Car il est si colérique, il est si méchant. Kwani yeye, que personne ne peut l'approcher. Kwani yeye ni wabishilani sana, hakuna hata mtu akuweza kumkaribia. Il est comme son nom. Eko sa vile jina lake. Oh mon roi. Oh mfalme wangu. Oh mon seigneur. Eh bwana wangu. Aie pitié de ta servante. Uwe na huruma juu ya kijakazi wako. Ne tu fais les jinos à la place des mauvais. Ushue watu wa shokosa au papa c'est watu babaya. Andiko nasema nini? Une parole douce. Neno msemo wa upole. Calme la sirène. Inatulizaka kisilani ya sira. David a descendu. Daudi akashuka na kusema. Je le jure au nom de l'Éternel. Na lapa mjina wa milele majeshi. Aujourd'hui. Leo hii. Ton mari ne serait plus en vie. Mume wako hakuwezi kubakia mzima. Et tout ce que vous avez. Na boti biyoti munavyo. Habikuwezi kubakia hako. Et David a dit. Na Daudi akasema. Grâce à toi. Juu yako weye. Je m'incline à sa disposition. Na inama. La femme, vous continuerez à lire. Vous tendez la kusoma kunyumba. Il a dit que mon Seigneur Muke ne se fâche pas. Bwana wangu asifike pana. Bwana wangu asikue mkasirani. Jua kujibu. Kuhali ya kutenda upumbafu ya bwana yangu. Ne réponds pas la colère à la colère. Usijibu na hasira kwa hasira. Ne réponds pas la dureté à la dureté. Usirudie makali kwa ukali. Quand ton mari s'enflamme, wakati mume wako anawaka, toi descends. Wewe shuka. Quand ta femme s'enflamme, wakati mke wako anawaka, wewe ndugu shuka. Même dans une réunion de serviteurs. Hata katika mkusanyiko wa watumishi. Si les gens s'enflamment. Kama ba moyo wanawaka. Vous descendez. Moyo mshuke. Ce n'est pas être inférieur. Haina kusema unakuwa wa chini. Ce n'est pas être médiocre. Haina kusema unjo wa chini. C'est dégager la vertu de Jésus-Christ. Ni kutosha uwezo wa Yesu Kristu. Pourquoi vous le laissez toujours parler comme il veut devant vous comme ses enfants? Non, ce n'est pas ça. Nous utilisons les armes de Dieu. Ce n'est pas être idiot. Ce n'est pas être petit. Ce n'est pas être la lâcheté. Ce n'est pas le manque de caractère. Nous sommes déjà morts. C'est Christ qui vit en nous. Nous bloquons nos cinq sens. Nous laissons l'esprit diriger nos vies. Acha roho ya Mungu kuongoza maisha yetu. Amen. Amen. David a pris. Daudi akabeba mkate, akabeba mazawadi yote na akarudia. La femme est rentrée. Mke akarudia. Voilà ce que dit la parole. Tazama kile neno la Mungu linasema. Tunawezi kurithi kwa baba mali na vitu vyote, lakini mke mwema ni zawadi ya wa milele. Alléluia. Amen. C'est un don de l'Éternel. Zawadi ya milele. Quand une femme est un don. Wakati mke ni zawadi. Ni zawadi. On n'explique pas. Hakuna ya kufuatilia. On ne calcule pas. Hakuna mahesabu kufanya. Ni zawadi tu. Na wakati Mungu analeta. Avec bon cœur. Eko naleta na moyo mwema. Alléluia. Amen. Toutes les femmes rebelles ici. Banamuke bote batomboje hapa. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Banakuwa viumbe vipya. C'est par le moyen du ministère. Ni kwa njia ya huduma. De la vie. Ya maisha. Par la parole de vérité. Kupitia neno la ukweli. Que des mauvaises personnes que nous étions. Bantu baba vile tulikuwa. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Tunakuwa sasa viumbe vipya ndani ya Yesu Kristo. Nous transmettons la vie de Dieu. Na sisi tunapeleka uzima wa la Mungu. La bonté de Dieu. Wema wa Mungu. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. L'humilité. Unyenyekevu. La sagesse. Ekima, la tempérance, bizuida, la longanimité, la bonté. Amen. Amen. Elle est rentrée. Akarudia. Elle n'a rien dit. Akusema kitu Abigaeli. Elle a trouvé son mari était dans la fête. Akakuta bwanake mukaramu mule washalewa. Alikuwa anajivuna njoo bunene mkubwa yake ya kondoo zake. La quantité de la laine qu'il a récolté. Wingi ya manyonya ile alitosha. Le matin. Asubuhi, la femme sage, mke wa hekima, un don de l'Éternel, zawadi ya wa milele, et Dieu était derrière, na Mungu alikuwa kumkongo yake, continue l'ingratitude, ndio akwapita kutokushukuru, retenez ceci, mchunge hii mbambe, à moi la vengeance, kwangu mie kulipita kisasi, et la rétribution, na malipo, dit l'Éternel des armées, wa milele amesema wa majeshi, un chrétien ne doit pas se venger, mkristo hawezi kulipitana kisasi, que cette écriture te soit donnée comme parole de vérité. Ne andiko hii upewe ama neno la ukweli. Si on te fait du mal. Bati kutendea mubaya. Prie Dieu. Omba Mungu. Que tu ne laisses pas les cinq sens. Rendre le mal au mal. Usiache le milango tano upate kurudisha vibaya kubaya. Umoneshe Mungu. Je te recommande cette personne. Na kuachia huyu mtu. Apole vengeance. Wewe ulipisha kisasi. Na wewe upate kulipa. Éternel. Wa milele. Ona unyenyekevu wangu wa milele. Wake je suis aussi amazing. Ona ya kwamba na mimi niko na kimo, lakini mimi nakuacha wewe utende. Mungu atatenda wakati yake na mnamna ya mzuri. Nous échouons puisque nous ne laissons pas la parole de Dieu faire son travail. Tunashindwa ndio atache neno la Mungu ifanye kazi yayo. Et quand il vient maintenant payer. Na sasa wakati yeye anakuja kulipa. Demandez à Samuel. Muulize Samuel. Dieu. Mungu. Regarde. Akangalia. Ce qu'un roi avait fait à Israël. Kile mfalme moi alifanya kwa Israeli. Il était jaloux. Alikuwa wivu. Alikuwa mungu. Il ne voulait pas qu'Israël passe. Asikupende Israeli apate kupita. Dieu n'était pas content. Mungu akufurahi hapana. Il nous garde comme la prunelle de son œil. Eko nachunga saka muricho yake. A une langue que vous ne connaissez pas. Muluga ile wa ujue. Alla au Burundi. Kuroko Burundi. On appelle Imana Ihorihoze. Mbeko naita Imana o. Ça veut dire ceci. Kusema hivi. Mungu analipishaka kisasi na iko calme. Dieu se venge et il reste calme. Yeye akwa ke sawe. Lui n'agit pas comme toi, il dit là. Brutalement, comme tu as fait moi aussi j'agis. Je vais chez les devins. Je vais chez les magistrats. Non, non. Dieu observe. Mungu wana ngarishisha. Il note. Anaandika. Il t'avertit. Anakukalamusha. Il résiste. Unashindana. Anaandika. Il t'envoie ton anakutumia pasteur wako. Il résiste. Unashindana. Il envoie la société. Anatuma mzee unakatala. Anatuma mtumishi wa Mungu unakatala. Il envoie différents prêtres. Anatuma wahubiri kwa karatana unakatala. Mungu akasema sawa. Maintenant je viens aussi. Maintenant mimi na mimi nakuja sasa. Sasa wakati haya kikuya. Pour se venger. Njoo kuripita kisasi. Même si tu as mené Poutine ici et son armée. Hata kama uri même si tu amènes l'armée américaine. Hata kama uleta pa jeshi Amerika. Il ne peut rien faire. Hawezi kufanya kitu. Il est indomptable quand il vient payer. Wakati anakuwa kulipa hakuna kitu cha kumtuliza na kumshika. Et quand lui il paye. Na wakati analipisha. Avec équité. Eko analipisha muusawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Avec équité. Et conformément à tes mots. Quand il paye là. Quand il paye là. Toi même tu diras que oui. Minasikia minalumia kali. Je sais que je suis vraiment Kakie, tu chercheras de l'aide, qui viendra t'aider. Amen. Amen. Dieu. Mungu. Dieu est terrible, mes frères. Mungu comme Astajabu Anduku. Dieu, on ne joue pas avec lui. Mungu abatizake naye. Il est terrible dans l'ensemble de ça. Eko Amastajabu makutana watakatifu. Amen. Amen. Il a dit à Samuel. Alisema na Samuel. Va dire à Saul. Wende umoneshe Saul. Maintenant je viens payer. Tata mimi nakwa kulipa. C'est mal qu'ils ont fait. Ubaya kulibalifanya. À mon peuple d'Israël. Taifa yangu Israeli. Va. Wende. Dis à Samuel. Umoneshe Samuel. À Saul. Na kwa Saul. Que maintenant mon temps est arrivé. Sasa wakati yangu imefika. Où je vois ma rétribution. Wapi mimi naona malipo yangu. Na kulipisha kisasi yangu. Niko na moyo amie ule mfalme. Akishi la malaji. Ule alitenda mubaya. Allez dire à Saul. Mwende mwende Saul. Qu'il parle là-bas. Aseme. Qu'il tue. Aseme. Roi. Mfalme. Prince. Sultan. Princesse. Mstari mwanamke. Malkia. Notable. Mheshimiwa. Jusque au pouspousseur. Hata kufika kwa ule kusari omen. Qu'il tue les cochons d'Inde. Aseme banyama uwe. Kama una nyama uwe. Kama una mbata uwa. Kama una ngombe uwa. Quand c'est Dieu maintenant c'est terrible. Wakati ni Mungu anaingia mkazi mambo yanakuwa mbaya. Pourquoi Saul a été frappé? John Saul a la pizwa, la pizwa. Dieu utilise les hommes. Mungu atumia kabatu. Pour payer maintenant. Njoo kulipisha sasa. Saul. Saul. Au lieu d'exécuter ce que Dieu a dit. Baada ya kutumia ile misemo Mungu alimonesha. Il a la pitié. Yeye akakuwa na huruma. Ne pas pitié. Usiwe na huruma. Wakati ni Mungu anasema usiwe na huruma. Dieu veut l'obéissance. Mungu yeye anapenda utiifu. Il a épargné le roi. Okay, pousse un femme. Les sentiments qui est religieux. Mania ya utawa ya kidini. Notre Dieu, il aime les offrandes. Mungu wetu anapendaka masadaka. Anapendaka mazawadi. On va lui apporter. C'est lui qui nous a envoyé. Yeye anatutuma. On va apporter quelques vos grâces. Tutamletea ko bangombe mo bakunona. Et on va les sacrifier à Dieu. Na tutamtolea bo Mungu. Quand dit l'Éternel? Mungu alisema nini? Tiwe tu. Uwa vyote. Quand Dieu dit tiwe tu. Wakati Mungu anasema uwa vyote. Uwa vyote. Quand Dieu dit pardonner, Mungu, kama Mungu anasema samee, pardonne. Oui, samee. Et c'est ce qui a fait que Saul soit rejeté. Na ndio ilifanya Samuel apate kukataliwa. Lakini Mungu a dit à Samuel. Akasema na Samuel, écoute le bégaiement de vos. Sikia malalamiko bilio ya bangombe. Il dit à Saul. Akasema na Saul, qu'est-ce que j'entends là-bas? Ni nini nasikia kule? Oh, ce sont les bégaiements de vos. Oh, ni makelele ya bangombe. Nous avons épargné pour l'Éternel ton Dieu. Tu vas chunga tu amelele Mungu wako. Tu vas tupatia ushindi. Et qui est ce monsieur là? Na huyu bwana ni nani? Oh, c'est le roi qui. Ni mfalme. Et vraiment c'est un roi quand même. Lakini ni mfalme tu. Un notable. Ni mheshimiwa. Dieu lui. Mungu yeye. Quand il dit que tu n'es pas. Dieu lui. Mungu yeye. Il ne regarde pas nos titres. Achangaleke mateo yetu. Il regarde sa parole. Mungu anaelewa neno lake. Est-ce que l'église est Eti kanisa kunafuata? Samuel prend l'épée. Samuel akabeba mpanga. Il déclare. Akasema. Comme sa ville. Le jour où Israël est passé. Il est ici que Israël a quoi mkupita. Il n'a pas insisté. Akuwe na huruma juu yao. Ils ont supplié. Il kusii. Il n'a pas voulu. Lakini akusikia. Ils ont été privés. Bali kosewa. Des enfants. Batoto yabo. Ba bibi yabo. Des époux. Ba bwana ba yabo. Ainsi dit l'Éternel. Hivyo amelela amesema. Samuel prend l'épée de Samuel akabeba mpanga Saul. Il enfonce dans le roi. Akamchoma mfalme. A prononça les sentences. Mukusema hukumu ya Mungu. Comme Israël. Sawa vile Israeli. Na yalizuiza. Na batoto yake. Babibi yake. Babibi. Hivyo amelela amesema. Il te traite de la même manière. Anakutendea na wewe namna moya moya. Il tourne à Saul. Akageuza akaba kwa Saul. Sawa vile wewe. Il n'a pas voulu obéir. Akupende kutii. Je te rejette. Mimi nakutupa na kukatala. Chers frères et sœurs, banduku yangu na badala yangu wapendwa, notre honneur, heshima yetu, ni paka tu utiifu kuneno la Mungu. Dieu nous protège. Mungu anatulinda. Wakati tunatii neno. Kati so. Wakati tunatoka. Dans la parole. Muneno. Satan viendra te prendre. Shetani atakao kukamata. Nous sommes protégés. Tunalindwa. Sous le sang de Jésus Christ. Ni adamu ya Yesu Kristu. Je sors là-bas. Natuka pale. Ça c'est l'Éternel. Ile ni wa milele. La colère de Dieu. Katirani ya Mungu. Accomplit sa justice. Iko natimiza uwaki yake. Mais la colère de l'homme. Lakini katirani ya Mungu. N'accomplit pas la justice. Aitimiza ke uwaki ya Mungu. Dieu épargne David. Mungu alepusha Daudi. De ne pas accomplir sa justice. Ashende kutimiza uwaki yake ye Daudi. Par sa colère. Mukatirani yake. Amen. Amen. Le matin. Asubuhi yake. La femme Abigail. Mke huyo Abigail. Je parle à son mari. Akakuwa anasema na bwana yake. C'est ce que Dieu t'a épargné. Unajua kitu gani Mungu alikuepusha? Quoi? Nini? Nini basi? Nini? Nini? L'argent amène l'orgueil. Feza naletaka kiburi. L'amène les gens de se sentir. Leta bantu banza kujipandisha. C'est pour cela frère Branham. Njoka maana ile ndugu Branham. Nous parlons de trois choses. Alisema njoo vitu tatu. Il faut toujours le rappeler. Na pasi kila mara ubikumbusha. Et le rappeler aussi. Na kujikumbusha hayo. L'honneur. Heshima kwa Mungu. Tabu pesa na banamuke. Binaangushaka batumishi ya Mungu. Amen. Amen. C'est ça l'ancien évangile. Njo injili ya zamani. Alléluia. Amen. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Na kugeuka na kwenda pembeni. C'est la parole de Dieu. Ori neno la Mungu. Amen. C'est facile de voir un frère qui a failli tirer une femme. Ula alikosea alikosea na bibi yake. Est en train de détruire beaucoup de. Lakini franga inaribu batu ba mingi sana. Beaucoup de serviteurs. Batumishi ba Mungu ba mingi. Entre dans une église. Ingia tu mkanisa fulani. Vous verrez l'orgueil là où ça se. Mutaona kiburi maana yake. Si l'orgueil n'est pas chez les anciens. Kama kiburi akina kwa wazee. L'orgueil sera à l'administration. Kiburi kitakuwa kwa wazamini. Pourquoi? Jua nini? C'est qui gère? Ni bonje bwana ongoza. Bwana chunga franga. Mais gloire à Dieu. Nous avons la parole pour dominer la gérance de l'église. Regardez beaucoup des administrateurs de l'église. Tout est devenu orgueilleux. On les envoie. Le pasteur dit, comme tu veux voyager, va voir les administrateurs. Il n'y a pas l'argent. Pour les ministres ici, là, il y a l'argent. Franga. C'est l'orgueil. Nikiburi. Ce n'est pas ton argent. Aina franga yako. C'est l'argent de Dieu. Ni franga ya Mungu. Pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire kazi ya Mungu. Que Dieu nous aide à comprendre. Mungu atusaidie tupate kusikia ibintu kuelewa maneno. La femme lui parle. Muke wana monesha. Hier tu étais parti. Jana ulikosha kwenda. Mais Dieu. Lakini Mungu. M'a utilisé. Alinitumia mie. Grâce à ton serviteur. Juu ya mtumishi wako. Il m'a parlé. Akasema na mie. Et je suis parti. Nikaenda. Arrêter David. Kumsimamisha Daudi kule. Il apprend le message. Akapata habari. La Bible dit. Bila akasema. Coup de cœur. Moyo wake kaguswa, kapika. Et il est mort. Na kakufa. À moi la vengeance. Kwangu mie kulipisa kisasi. Et la rétribution. Na malipo. Du l'éternel de Jabé. Wa majeshi amesema. Avez-vous vu comment Dieu a épargné David et le sang de Nabal? Eti muliona mara ngapi Mungu alipusha Daudi kudamu ya Nabali? L'injure de Nabal. Matukano ya Nabali. Envers David. Kwa Daudi. Loin de l'éternel. Bali na wa milele. C'était injurier Dieu. Ilikuwa ndio kumtukana Mungu. Dieu dit à David. Mungu akasema na Daudi. Ne fais pas ça. Usifanye kitu. Moi. Je vais m'en occuper. Mimi mwenyewe ndenjamo mambo. Israeli, une personne mutu, qui s'est levée contre la muka, de l'éternel na mpakali wa milele, est définissable de mort. Aliapizwa hata kulufu. L'onction de Dieu. Upako ya Mungu. Si ce serviteur. Yule mtumishi wake. Dieu chérit l'onction qu'il a mis. Mungu ana bwivu ya ile upako anaweka yule mtumishi wake. Dieu. Mungu. Chérit l'onction. Anakaka na bwivu. Sa présence. Divine. Ya kimungu. Le Saint-Esprit. Qu'il a mis dans l'église. Il aliweka ndani ya kanisa yake kuna bwivu. Discernons le corps du Saint. Tutambue mwili ya Bwana. Amen. Amen. C'est pour cela. Njua hiyo. Il est écrit. Il m'a dit quoi? Tout péché sera pardonné. Zambi yote tatamewa. Mais blasphémé contre le Saint-Esprit. Juu ya Roho Mtakatifu. Est impardonnable. Il a wezi kusamewa. Attention avec les hommes de Dieu. Msopoke na watumishi ya Mungu. Je vous conseille au nom de Jésus. Nashauria katika jina la Yesu Kristu. Quand c'est un roi. Wakati ni mpakaliwa. Il peut se tromper. Anawezi kudanganyika. Il peut avoir une fausse opinion sur toi. Anawezi kuwa na namna mbaya kuona juu yako. Garde la parole. Funga neno. Réfléchis avec la parole. Fikiri na neno. C'est un roi de l'éternel. Yeye ni mpakaliwa wa milele. Amen. Amen. La colère de l'homme. Kasirani ya mutu. N'accomplit pas la justice. Aitimizake wake ya Mungu. Amen. Amen. Dans 1 Timothée. Mu Timothée wa kwanza. Nous lisons. On a soma hivi. 1 Timothée 2. Timothée wa kwanza sura ya pili. 1 Timothée 2, 8. Mstari kama. Je veux que les hommes. Inapenda batu. Prie en tout lieu. Waombe mahali yote. En élevant des mains pires. Mkuinua mikono safi. Sans colère. Bila kasirani. Ni mauvaise pensée. Wala mawazo ya mubaya. Alléluia. Amen. Quand on nous dit lève-nous à prier. Wakati wanasema tusimame na kuomba. Ici on ne parle pas des sexes, ce sont les hommes. Hapa baseme njoo ya banaume hapana ni batu. Binadamu. Binadamu. Quand il lève la main. Wakati wanainua mkono. Mwaminifu. La sœur, le frère. Dada nduku mwaminifu. Le prédicateur. Mhubiri. Quand il lève la main. Wakati unainua mikono. Tu déclares à Dieu. Unamwonesha Mungu akusema siwezi kitu. Seigneur, mes mains sont pires. Bwana mikono yangu kusafi. Moyo wangu kusafi. Je ne suis pas en colère qui que ce soit. Sina na bishirani mbele ya mtu wowote. Agis Seigneur. Tenda Bwana. Manifeste-toi. Ujionekanishe. Shuka na useme. Shuka na ukomboe. Dieu t'écoute. Mungu atakusikia. Mais si tu es en colère. Lakini kama uko mkatika hasira. Dieu n'écoute. Mungu atasikia hapana. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Dieu honore sa parole. Mungu anaheshimia neno lake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Et là vous pourriez lire. Na mtawezi kusoma pale. Là on nous parle de beaucoup de choses. Pale mtawezi maneno ya mingi. Amen. Amen. Et que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Na Mungu apate kutusaidia tupate kuelewa hii maneno. Nous lisons dans Proverbe chapitre 30. Tunasoma Mezali sura makumi tatu. Amen. Amen. Proverbe chapitre 30. Mezali sura makumi tatu. Nous lisons ce qui suit. Tunasoma ifuatayo. 30. Makumi tatu. Et le verset 32. Na mstari makumi tatu na mbili. Si l'orgueil était poussé. faire des actes de folie. Kama kiburi kina kusukuma kutenda matendo ya upumbavu. Alléluia. Amen. Si l'orgueil. Kama kiburi. Comme l'orgueil avait poussé Nabal. Sabile kiburi kilisukumaka Nabal. Aux actes de la folie. Matendo ya upumbavu. Alléluia. Amen. Ah. Et si tu as des mauvaises pensées. Na kama uko na mawazo ya mbaya. Mets la main sur la bouche. Weka mkono wako yule akinywa yafunga kinywa yako na mkono. Pourquoi? Jua nini? Car la pression du lait produit de la crème. Kwani kusongwa kwa maziwa kunatoshaka crème. La pression du nez produit du sang. Kama unafunga mpua kabisa damu inatokaka. Et la pression de la colère produit des querelles. Na kusongwa na kasirani kunaletaka makelele makokotano. Ah! La pression de la colère. Kusongwa kwa hasira produit des querelles. Kunaletaka makelele makokotano. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu dans les enfants? Pas de fausses doctrines. Pas de quoi que ce soit, pas de mauvaises vies. Hakuna maisha mbaya. Mais la jalousie. Lakini la haine. La chuki, tama. Dans l'église. Mukanisa. Envers les conducteurs. Kubaongozi. Le ministre suscite des choses. Batumishi wangu la musalamusha mamambo. On réveille la rébellion dans la famille. Balaleta utombozi makutano. Oh non, oh il n'est pas digne. Asistahili. Est-ce que toi tu es digne? Tu stahili? Personne n'est digne parmi nous. Hakuna mtu mwenye kustahili katikati yetu. Nous sommes dignes à cause de Jésus Christ. Tunastahili ni juu ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Et les assemblées, il y a eu des dislocations dans ça. Et on parle. Na wanasema. Toutes ces assemblées là, prospèrent aujourd'hui apparemment. Iko naendelea leo kwa kuyaona tu. Tant que c'était le produit de la colère de l'homme. Wakati yote ile kazi ilitoka katikati ya mtu. Mungu atatimiza wake yake ndani ya makutano. Ile decree imeandikwa. Dans chaque ville. Mukila muji. Makutano moja. Dans chaque village. Mukila kijiji. Makutano moja. Dans chaque centre. Mukila sehemu. Makutano moja. Fasiria vitu unapenda. Neno la Mungu iko nguvu inabakia paka kile pagine inasema. Une ville ensemble. Muji moya, makutano moja. Oh non, frère. Oh, apana nduku. Dieu dit ce qu'il pense. Anasema ile anawaza. Et ce qu'il pense. Na ile anawaza, anaisema. Dieu. Mungu. N'est pas lié aux belles intentions des serviteurs. Ajifungwe na mawazo ya mzuri ya egoïste. Kuma sababu ya kupendelea. Kuma fasiliwa na kumisi. Mungu ya anafungwa kuneno laki. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Utajua ukweli. Et la vérité. Na ukweli. Vous rendra pire. Et te mifanya kuwa uru. Et la vérité. Na ukweli. Vous affranchira. Et te mifanya kuwa uru. Nayo ni kanisa tu. Oh, c'est aussi une église. C'est aussi une église. On y prêche aussi comme nous chez nous. Comment ont-ils commencé? Ah, c'est ce que vous ignorez. Dieu le muna saulika. Vous ignorez. Muna sabwa ile. Mungu atusaidie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé frère. Wapendwa ndugu. Tout homme ayant un tempérament colérique. Mtu wote mwenye kuwa na hali ya kasirani kabisa. Doit veiller. Anapasha kukesha. À ne pas prendre des décisions. Asipate kubeba mipango. Ni faire des déclarations. Wala kusema misemo fulani. Sous le coup de l'émotion du moment. Mwenye kusukumwa na kasirani. Écrivez cela dans vos cœurs. Mwandike ile katika maro yenu. Ma sœur. Dada yangu. Gravez cela dans ton âme. Pia nanga ile mumoyo wako. Si tu es colérique. Kama uko bishilani. Deux. Ya pili. Si tu n'as pas le tempérament colérique. Kama hauna na hali ya kishilani. Mais quelle colère te prend. Lakini sasa kishilani kinakushika. Évitez de faire des déclarations. Epuka kusema. Mimi nakwambia. Moi je te dis. Pasteur. Pasteur. Nika kanya kaka tena mwa ikanisa ya. Si je foulé encore mes pieds dans ton église. Babylone. Babylone. Moulisha anguk. Vous êtes déjà tombé. Onitake démon. Appelle-moi, traitez-moi des démons. Dieu. Mungu. Ne dors pas. Ashlalaki. Tutakuonaka. Nous te verrons ici. Banda na ukakuya. Inema. Et si tu venais, c'est une grâce de Dieu. Tu inemandengo itakupunga. Car ces paroles-là te lieront. Tu auras honte de revenir. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous me suivez? Pasteur. Pasteur. Mina kwambi. Je te l'ai dit. Cette femme ici. Maintenant encore que je suis toujours. Que je puisse la pardonner, qu'elle est toujours mon épouse. Moi. C'est que tu diras, je ne suis plus frère. Attention avec les déclarations. Poussé, motivé par la colère. Ce n'est pas toi qui parles. Aïe, n'a pas de quoi. Tu es sous l'onction de la colère. Tu es sous l'onction de la colère. Fermez la bouche. Funga kinywa. Et dis Seigneur. Funga kinywa. Même si tu veux, tu mets la bouche, la mets sur ta bouche. Puisque tu vas y retourner. Dieu t'a redirigé à Poutou. Quand la colère partira. Quand la colère est apaisée. Tu retournes dans tes mots. Ce que j'ai dit aux anciens. Ce que j'ai dit à ma femme. Comment je vais les laisser. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. N'oubliez pas que les grands hommes ont toujours eu honte de s'humilier. Les enfants s'entre-dévorent ici. Ils se sont toujours entre-dévorés. Viens, mais les adultes, c'est terrible. Leurs affaires, leurs déclarations, ce qu'ils ont dit sous la colère, les ont toujours liés. Qu'il puisse me voir, moi, en tant que serviteur de Dieu, que j'aille demander pardon. Il n'est pas question d'être serviteur de Dieu. Humilie-toi, rappelle-toi, tu es déjà tombé, tu n'es plus honorable. Demande pardon, et Dieu va te relever. C'est la seule façon de détruire le venin de tes paroles. Il est soumou, il y a mitemo, il y a yaouri, il y a kibouri. Les paroles méchantes que tu as déclarées, que tu as prononcées, poussées par la colère, ce n'était pas toi, c'est le diable, le feu, tu es toujours moi, enflammé. L'ego prend le contrôle. Il est mieux, je n'ai pas ça congoza. L'homme charnel prend le contrôle. Il parle comme l'homme. Et qu'on a fait ma sanguine. Le Saint-Esprit n'est plus. Rom Takatif Anamotena. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mukuna nifata. C'est là où beaucoup de foyers. Njo pale majama mingi mandoa mingi iko na pasuka na kuachana. C'est le feu de la colère. Ni mambo tu ya katirani ya asira. Ce n'est pas que l'homme n'aime pas la femme. Aina kusema bwana sipende bibi. Ce n'est pas que la femme n'aime pas son mari. Aina kusema muka sipende bwana yake. Vous n'avez pas su gérer vos tempéraments. Mulishinda tu kujizuiza. Mulishindwa kutumikisha kila mtu hali yake. Vous n'avez pas su chacun de vous faire exécuter son tempérament. Baizire. Il a un tempérament. Eko na hali yake. Le pasteur. Pastori. Il a son tempérament. Eko na hali yake kizalikio. Ne compare pas mon assemblée. Usifananishe makutano yangu. Par rapport à son assemblée. Na makutano yake. Nous sommes des personnes. Kubatu bawili. Bala bafanana pana. Il a sa façon de voir. Eko na namna ya kuona ya kuongoza bitu. Mina mie niko na namna yangu ya kuongoza bitu. Lakini ile inatubalisha ni neno la Mungu. Oh, je viens de Mulungwishi. Oh, mais la tokia Mulungwishi. Non, non, non, cette assemblée là de Kambova. Ah, il est makutana Kambova pana. Je ne vois pas. Missione tu. Ce n'est pas la parole qui dit. Ah, ina neno ndio nasema. Il juge l'église par la conduite. Eko naamua kanisa mukunamna kongoza. Tout la ligne tu es en faux. Mu mambo yote unasema huko mubongo mkosa. Oh, je pars commencer mon église. Oh, mimi naenda kwanza kanisa yangu kule. Comme je veux la diriger comme à Mulungwishi. Mimi kule ndio bitaongoza sasa vile makutana Mulungwishi. Il est ni à fira, je n'ai pas encore fait ville. Ukipenda kwanza makutano. Anza yo na neno. Na masababu ya haki. Na kifukuzio kinapata kifukuzio kia Mungu. Tokole. Oui, wa bisilani. Tu as compris? Unasikia? Tu as compris? Unasikia? Nabeba bintu. Nafunga mizigo. Mon frère. Aliniambia sema niko mwanamke wa bule bule. Votre frère m'a traité d'une femme vile. Aliniambia sema sina mafaa. Il m'a traité que je ne suis plus importante. Sita rudi aka bule. Je ne pourrai plus jamais rentrer chez lui. Sita endak. Jamais je ne pourrai plus. Où est-ce que tu vas à gare? Uko nenda wapi à gari? L'ange de l'éternel. Malaika wa milele. Dia à gare. Anasema na gari. Upatia gare. Uko nenda wapi à gare? Rudia. Kwa Sara na ujinyenyekeze. Agar. gari avait agi sous le coup de l'émotion et kutambuka tu mubisilani saisi par la colère et kushikwa na hasira. Sara me malmène. Sara kore nteswa teswa je vais lui montrer que je suis pas mon esa mia seni kumwanamke d'ailleurs j'ai déjà la grossesse jako mimi mwenye chimisho na mimba uko naonesha nini ah qu'est-ce tu manifestes là unaonesha nini qu'est-ce tu manifestes hapa naonesha mzuri hapa naonesha super wako tu ne peux pas manifester tu ne peux pas me montrer ton véhicule ta voiture je dois manifester Jésus Christ. Où vas-tu à gare? Tu arrives chez tes parents. On a pris au bazadiako. Tu influences tes parents. On a vu ça au bazadiako. Où t'as ça? Tu comparaîtras. Quel est le critère? Ah, tu connais ces manini? On est marié une fois pour toutes. Tu n'as ouan ni mara moja tu. Dans les bons comme dans les mauvais. Ma baya comme mon mouema. Supporter. Humilia. Apprenez à tolérer. Vous diffusez que vous humiliez. Apprenez à vous patienter. Vous diffusez que vous humiliez. Mujifunze kuvumiliana na Mungu wa amani atampatia nguvu. Mutoe matunda ya roho. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mkunanifuata? Écoutez encore. Msikilize tena. Une personne colérique. Mutu abishilani. Amen. Amen. Doit éviter. Anapasha kuepuka d'agir. Kutenda. Mwasira kwani njo ngambo ya njo udhaifu yake. Branham Elia Tishbiti Elia Mtishbiti walikuwa watu wa bishilani waasira. Njo kama kila mara Branham anaanza kusema nilitenda makosa mengi. Vous pensez que c'est le ministère qui commettait des vous mnaanza na kusema ni hudumera kutenda makosa. Vous pensez que c'est un rapport avec la parole. Unawaza kusema ni kulinganishwa na neno. Mungu mtu bwake alikuwa wa bishilani. Wakati ingine alikuwa anatenda makosa. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti Mungu ananifuata? Pale njo Branhamisme yote chini. Et c'est là où tous les Branhamistes sont tombés. Upendelevu yote ya Branham na Baizire, Frank, Mwamba, tous les grands hommes de Dieu. Batumishi bote ba Mungu bakubwa. Heshima kubwa kwao. Beko na bona kahari abo abumutu. Mais les dons que Dieu a mis dedans. Lakini zawadi ile Mungu aliweka ndani yabo. C'est les dons divins. Ni zawadi ya Mungu. Ce don-là, il est pas zawadi. Il est repentance. Hakuna namna kutubu. Alléluia. Amen. Mais ils sont sujets. Lakini bon abo. Beko na maudhaifu yabo. Comme ils sont sujets de faiblesse. Sa vile na bobo na maudhaifu yabo mutu. Supportez-les. Mungu avumilie. Puisque toi aussi. Jue na weye. Tu as aussi une faiblesse. Uko na we na udhaifu yako yabo mutu. Que dit la parole? Ah, neno nasema nini? Tukuna kwala. Kuma namna kuachana. Alléluia. Amen. Ma femme n'est pas moi. Ana ndio mie. Moi, mie. Je ne suis pas ma femme. Ndio mke wangu. Elle branche de sa part. Eko na kwala mnamna yake. Moi, je branche de mina mina kwala mnamna yangu. Comme je branche. Sasa ni unakwala. Ananivumilia. Mimi na mie. Wakati atakwala napasha kumvumilia. Mon pasteur. Pastori wangu. Il branche. Anakwala. Mimi na mie. Il est branché. Bila nilimuona anakwala na mimi nakwala. Sasa je supporte mon pasteur. Nakumilia pastori wangu. Na yeye ananivumilia. Na sisi wote tunampeleka Yesu katikati yetu. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Fini les divisions. Kukabulana kulabulana kunaisha. Makokotano inamalizika. Makokotano mwisho yayo ni kunamalizika makokotano. Fini l'arrogance. Kiburi kinamalizika. Oh Dieu. Nihurumie. Pardonne-moi. Nimeelewa. J'ai compris. Que moi aussi j'ai un point faible. Yves. C'est un, alors laisse-moi te dire. Unyache likoneshe. Accepter. Itikia. Et tu broches. Ya kwamba unakwala. Qui accepte? Nana netikia. Comment vous avez accepté? Ça vous l'étikia. Bon. Seigneur. Bwana. Merci d'accepter qu'il broche. Accepte à netikia kwamba banakwala. Maintenant moi aussi. Sasa mimi na mie. La même parole. Neno moya moya. Merci. Inanyonesha. Baba izi. Wewe baizire. Tu broches. Na unakwala. Oh Seigneur. Oh Bwana. Moi aussi je broche. Mina mina kwalaka. A partir d'aujourd'hui. Kwanzia leo. Aide-moi. Unisaidie kwa. Quand il va brocher. Wakati atakwala. Quand il va brocher. Wakati dada atakwala. Je le mesure. Na mie ni upime ko. Hapana kukwala na yeye na mie. Je broche. Na kwala. Aide-nous Seigneur. Unisaidie Bwana. Alléluia. Amen. Et vous aurez la paix. Na mutakuwa na amani. Et vous aurez la joie. Na mutakuwa na furaha. Et vous allez vous développer. Na mutendelea. Spirituellement. Mukiro. Physiquement. Mukimwili. Économiquement. Mumuchumi. Vous aurez la stabilité. Na mutakuwa na busara. Acha tu Cathy est pas. Je pense que le temps est passé. Je pense que le temps est déjà arrivé. Je ne peux pas couper sans mettre la pensée. Siwezi kuacha bila kuleta wazo. Être colérique. Kwa wabitilani. Et un tempérament. Ni kuya kujizui ni hali ya ndani. Il faut canaliser ça. Inapaswa kuya kuiongoza. Laissez au Saint-Esprit. Mwache Roho Mtakatifu. Le pouvoir. Uwezo. De diriger. Ya kuongoza. Nos tempéraments. Mahali yote ya ndani. Et une victoire. Ni ushindi. Sur notre penchant. Yulu ya tegemeo yote ya bumutu. Alléluia. Amen. Viens bien-aimé Douglas. Kuya mpendwa Douglas. Viens bien-aimé. Kuja. Douglas ici. Douglas. Il est né dans une autre famille. Alizalikia mjamaa ingine. Sa famille. Jamaa yake. A un tempérament. Iko na hali yayo. Ma famille. Mjamaa yangu. A un tempérament. Na yuko na hali yayo ya kutenda. Mon fils. Mtoto yangu mwanaume. Il aime la fille de Douglas. Anapenda binti wa Douglas. Là. Mule. On n'est pas des baizires. Ah, kuna babaizira hapana. Est-ce que vous me suivez? Unanifuata? Mais ce sont des Douglas. Lakini bale ni jamaa Douglas. Niko na namna yabo ya kuishi. Bora mwenendo yabo. Si mon fils. Kama mtoto mwanaume anapenda. C'est notre union. Umungano yetu. Burafiki wetu. Na agano yetu idumu. Anapasha itikie. Que la fille de Douglas. Binti wa Douglas. N'est pas celle de la famille de Baizire. Aina binti wa mjamaa ya Baizire. Elle a les faiblesses de. Eko na udhaifu ya mjamaa ya Douglas. Qu'est-ce qu'on doit marier? Nini tunapata kuoa? On doit pas marier les qualités. Hatuwezi kuoa mahali ya mzuri zaidi tunaoaka. Makosa. Dans le conseil de l'église. Ndani ya shauri ya kanisa. On ne regarde pas aux qualités. Abangaliki kwa hali ya mzuri. On marie les défauts. Banaoaka ni mahali ya udhaifu ya makosa. Hakuna mwenye alipenda mazuri. Il y a personne qui a voulu aimer le bon côté. Même ya kuvumiliana. Mais c'est qui a fait supporter. Ce sont les mauvaises choses. Il est mazaifu. Les faiblesses. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous l'avez dit? Rentrez frère Douglas. Rudi Andoukou Douglas. Amen. Amen. Maintenant vous allez dire. Et retenez ce mushike hii. Aucun tempérament. Hakuna hali hata moyo ya ndani. Ni meilleur. Yenye kuwa ya mzuri zaidi. Kwa ya kupitia mwingine. Toi frère. Wewe nduku. Toi prédicateur. Wewe mhubiri. Toi interprète. Wewe mtafsiri. Toi baiziri. Wewe baiziri. Tu n'es pas meilleur. Haona mzuri zaidi. Par rapport à l'interprète. Kupita mtafsiri. L'interprète. Mtafsiri. Yeye la créé comme. Mungu alimuumba mwile namuna. Baiziri. Baiziri. Yeye la créé comme. Mungu alimuumba naye mwile namuna. Alléluia. Amen. Baiziri. Baiziri. Il a le côté positif. Eko na hali ya mzuri. Mais il a aussi le revers. Eko tena na ngambo ingine. Il a hérité de du péché. Il a hérité ku dhambi. Yesu. N'est pas venu pour le bien. Ashukunjwa hali ya mzuri. Yesu. Alikuwa kubeba ngambo ya mubaya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est devenu. Akakuwa dhambi. Pafazi. Ya mutenda zambi. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mungu nanifata? Maintenant. Sasa. Quels sont ces tempéraments? Maali andani ni aje. Il y a les colériques. Kuko wabitilani. Les colériques. Wale wabitilani. Ce sont des personnes. Ni batu. Qu'on appelle EAP. Bale wanaitwa ba EAP. Dans la psychologie ou pédagogie. Psychologie wala pédagogie. Emotif. Bale bakuchamuka chamuka. Actif. Bakubebwa kwa haraka. A réaction primaire. Bale mambo kiroba kibanabebwa. Anawaka. Quand il est sous la colère. Wakati kumwasira. Tout ce qui est devant lui. Yote bile kumbele yake. Si c'est la télévision. Kama ni télévision. Si c'est une pierre. Kama ni ribwe. Il jette dans la télévision. Eko na tupa ku télévision. Si c'est une chaise. Kama ni kiti anafunyanga na vumbi. Kama ni téléphone anatupa. Il dit. Les hommes de la science. Nase batu ba elimu. Les moralistes disent ils sont fous. Asema jo bishilani sasa binafsi anatosha. Mwingine anabeba tumbako, anafuta, anafuta, anafuta. Ils se défoulent de la colère. Pale ndio anatulia kwa kasirani. Bongo. C'est faux. Bongo. C'est faux. C'est un état d'esprit. Ile ni hali ya roho. Celui qui veut te délivrer de ça. Mwingine anapenda kukombolewa kwa ile. Jina lake ni Yesu Kristo atakukomboa kwa ile hali. Viens à Jésus. Kuya kwa Yesu. Recevez-le. Umupokee. Sawa mokozi bwana wako. Sawa mokozi wako. Atakukomboa. Kuile kifungo ya bishilani, hali ya bishilani. Pasteur, est-ce que tu peux me donner 10 minutes? Pasteur, est-ce que vous pouvez me donner 10 minutes? Amen. Amen. Amen. Amen. Branham, qu'est-ce que tu dis? Branham, c'est ma nini. Je vais rentrer. Tarudia mbele. Non, j'ai encore 10 minutes. Je n'ai pas dit que j'ai terminé. Branham Anasema. Écoutez. Msikilize. Amen. Amen. Branham. Les colériques. Wabishilani. J'avais 12 ans. Maubiri. Parlez. J'avais 12 ans. Nilikuwa na miaka 12. Et très colérique. Na wabishilani sana. Qui a dit ça? Nani alisema vile? William Marion Branham. Malaki sura 4. Et très colérique. Na wabishilani sana. Oh. Eh. A Ohio. Kule ku Ohio. Quand le Saint-Esprit est entré. Wakati Roho Mtakatifu aliingia. À moi. Ndani yangu. M'amena la commission. Mkunipatia kazi. Cet homme colérique, wa bisilani, de tempérament colérique, wa ali paka bisilani, était fini. Akamalizika, akakufa. Alléluia. Amen. Si Dieu kama Mungu, a délivré Branham, alimkomboa Branham, de l'état, de l'assiègement de l'esprit colérique, wa ali ya bisilani, Jésus Christ, il est le même, eko sawa, jana, leo, na hata milele. Crois. Nini? A Jésus Christ. Amini Yesu Kristu. Recevez-le. Mumpoke. Comme le remède de ta esprit colérique. Sawa dawa ku ali yako katirani. Atakukomboa, atakuponya. Ce message. I ujumbe. Ce n'est pas un problème. Aina mambo. Ce message. I ujumbe. C'est la solution de Dieu. Ni jibu ya Mungu. A nos problèmes du péché. Ku mambo yetu ya zambi. Écoutez. Msikilize. C'est que je réponds sur l'hébreu de 57. Nimaulizo na majibu yula wa Hebrania ya 1956. 837. Suivez très bien. Mufate mzuri. Observez. Mwangarishishe. Un petit bébé. Mtoto mchanga. Pabli hokesa. Hapana kupanda kwa kidogo hivi hapana. Qui fait une grosse crise de colère. Ule anafanya kasi anaguka mkasirani kubwa. Sikali katoto mkifua. Il est encore petit enfant sous c'était petit bébé là. Nos bébés qui sont nos bijoux que nous avons toujours appelés, la Bible dit que batoto ni maua ya bazazi. Alléluia. Amen. Ni furaha ya bazazi. Ni furaha ya bazazi. Amen. Amen. Il vit. Anasema. Observez-le. Muangarishishi. Il se tord les mains. Eko na jikunye kunja. Ah. Son visage devient rouge. Uso yake inakuwa mwekunda. Il retient son souffle. Anafunga pumzi yake. Eko anafunga pumzi yake. Anakula bilole. Bien sûr. Hakika. Il a hérité de son papa. Alirithi ile kwa baba yake. Ou de sa maman. Wala kwa mama yake. De l'un des parents. Mumoya wa bazazi yake chukula ridhiti. Elle avait un tempérament colérique. Alikuwa kana ali ya kasirani ya asira. Pour affronter une scie circulaire. Una namna kutanza kupinganisha ta scie ya kuzunguka. Ou bien. Wala. C'était son papa. Ilikuwa baba yake. Si ce n'était pas elle. Kama ilikuwa ke baba c'était yake. C'était son grand-père. Ilikuwa basi kambo yake. Wala mama yake kambo yake mwanamke. Munaona. Il est l'un des standards. Yeye ndio kula litokea. Douglas vient encore. Douglas kuja tena. Alléluia. Amen. Jacques Baizire. Il est colérique. Eko abisilani. Le fils de Douglas. Mwana wa mtoto wa Douglas. Par les liens de Douglas. Kwa muungano wa Douglas na mama yake. Est-ce que vous me suivez? Munanipata? Douglas. Ami la semence dans la mama. Aliweka mbeko yake mtumwa mama yangu. J'ai commencé à me former. Nikaanza kutungwa. Il y a un Douglas dans le sein de ma mère. Mtungwa mama yangu mko Douglas moya. Sehemu ya sehemu. Wakati nizalikwa. On coupe le cordon umbilical. Banakata kitofu ya mama yangu. On me sépare de Douglas. Tenganisha na Douglas na mama yangu. Mais lakini nilirithi dhambi kupitia hiyo baba na mama bali nilifanya nipate kuzaliwa dunia eti kunanifuata sasa tulipata ukombolewa kuile Mungu asikutumie njia moya moya Mungu aliumba mwana mwenye kuzalishwa kwa neno bila dhambi bila hukumu bila kasirani alikuwa neno la Mungu alikuwa ndio Mungu Mungu sasa Yesu anakuya il entre entre moi et papa alinjia kati yangu mie na baba na mama Jacob unipokee recevez ma parole pokea neno langu je dis Seigneur nikasema Bwana naamini neno lako ninakupokea sawa Bwana wangu na mwokozi wangu Kristo sauve-moi unyokowe. Christ, unikomboe. Il entend le cri. Anasikia lalamiko. Anakuja. Anajifunua kwangu. Ananikomboa. De quoi? Kunini? Di péché. Zambi. Qui m'est lié? Ile lilikuwa nanifunga. Papa Douglas. Na babangu Douglas. Et mama Josephine. Na mama Josephine. Alléluia. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Aina tena mimi ninaishi. Ce n'est plus Douglas. Aina Douglas. Ce n'est plus mama Catherine. Aina mama Catherine. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo ndani mwangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant. Sasa. Fini. Kuna malizika. Douglas. Douglas anamalizika. Fini. Kuna malizika. Mama Catherine ana malizika. Ni Yesu Kristo sasa. Est-ce que l'église est avec? Est-ce qu'elle est pamoja na mie? Alléluia. Amen. C'est pour cela il est écrit. Njoo kwa maana imeandikwa. Atujuane kufuatana na mwili. Alléluia. Amen. Nous ne nous connaissons plus. Atujuane kamwe. Kufuatana na mwili. Tunajuana sasa kufuatana na neno. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, que aide à faire. Eh Bwana Mungu amsaidie. Finito. Kuna malizika, byote vinamalizika. Oh, wende bakusukule bibi. On va qu'on puisse te laver. Va te rendre de Dieu, tu puisses prier de l'eau que tu puisses boire cela. Non, non. Amen, Jésus Christ. Jésus Christ. Mwamini kuwa Bwana. Kwa lui comme étant ton Seigneur et le Sauveur de ta vie. Si tu croyais en lui de tout ton cœur, de tout ton esprit, il va briser tous les liens de péché. Il va briser la lèche de colère, l'adultère. Il va couper la haine. Il va couper l'orgueil. Et tu seras rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Branham, quand l'ange te descend. Branham, wakati malaika alishuka. Il a réglé mon tempérament. Akamaliza aliangwa ndani. Alléluia. Amen. C'est pour cela Branham. Njua hiyo Branham. Il aimait comme Dieu. Alipenda kama mais Mungu. Quand quelqu'un est né de Dieu. Wakati mtu anazalishwa na Mungu. Anachukua sasa hali ya Mungu. Ce n'est pas une doctrine. Haina njoo mafundisho. C'est une vie. Ni maisha. Et le fruit maintenant. Na tunda sasa. C'est nous de goûter sur le fruit. Nishie sasa tupate kuonja kule tunda. Oh. Baizire. Il était terrible. Alikuwa kama mastajabu. Mais par la parole. Lakini kuonja neno. Il a changé. Anabadilika. Alléluia. Amen. Ma soeur, dada yangu, ne continue pas à vanter les liens de ton père et ta mère. Et il ne faut pas continuer à te vanter des liens avec si ton père. Si les démons dans ta vie, ta madebono, maisha yako, alika kazi ya msalaba, vumisha kazi ya msalaba, na utapata matendo mema ya kazi ya msalaba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Jésus m'a fait. Tazama kile Yesu alifanya. Wala muone jua nimependa mahuduma. Wala jua nimependa huduma. Ni wakati naona mtu anachukua huduma bila vazi, bila koti, lakini wana huduma. Mimi nabakia pembeni yake. Ni mbingu iko katika kiruma na mimi. Niko naniletea mauwezo ya Mungu. Eti munanifuata. Ni kupitia huduma. Jo tunatiwa buzima ya mbeko neno. Sasa hizo tunazalishwa. Mungu aheshimia watumishi na Mungu atemeshimisha. Ah, vraiment mon évumilie. Supportez-moi. Je ne veux plus rentrer au tempérament. Sipende kurudia kwa mahali tena. Amen. Amen. Il continue ici. Anaendelea na kusema hivi. Écoute toi maintenant. Sikia sasa wewe. Le colérique Branham. Bwana ule Branham wa Bisilani. Le colérique. Wa Bisilani. Tel que vous le voyez là. Pale pale unamuona. Comme le papa là que je vous ai. Sasa vile baba alinionyesha. Ula liuwa mko yake. Abana, hawa chungake bishirani ya pana. Hawa chungake asira. Hawa chungake asira. Pourquoi? Jua nini? Ili tu kartushu fini. Maantosha, ratosha, ratosha, kisha kuna malizika. Lekele fi. Moe, nabakia wazi. Deux minutes. Dakika mbili. Il vient auprès de toi. Anakuwa tena kwako. Venez manger ensemble. Kuya tukule pamoja. Venez communier. Kuya tushiriki. Maintenant si toi tu es d'un autre tempérament. Sasa kama uko mwali ngine. Tu vas le traiter d'hypocrite. Utamwona sele mtu mnafiki mtu mauso mbili. Tu venais de me traiter de tout. Unatoka hapa kunitendea matendo mbaya. Unaniambia tena tukule pamoja. Jo vile beko. Mais ils ne sont pas aussi patients. Lakini hapana tena bavumilivu. Attends, toi chawa. D'où est-ce qu'il va tirer la patience? Il est privé. Yeye iko wa kubebwa waraka. Ici, y a des frères. Hapa peko banduku. Qui continue à taper leur femme. Bongo endelea kupika bibi yabo. Toi démon. Wewe demona. qui détruit le témoignage de mon frère. Mwenye kuharibu ushuhuda ya ndugu yangu. Sors au nom de Jésus. Toka mu jina la Yesu Kristo. Ce frère ici. Huyu ndugu. Qui t'a fait sa femme. Mwenye kupika mke wake. C'est mon frère bien-aimé. Ni ndugu yangu mpendwa. Il est sauvé. Eko mwenye kukolewa. Yesu. Aide lui. Umsaidie. De dominer cet empire. Atawale ile hali ya mbaya ndani. Ma sœur ici, dada yangu huyu, la fille de Dieu, binti wa Mungu, ce n'est pas elle, aina jo yeye, qui était qui, mwenye kwa kichwa nguvu, wa yauri, wa kiburi, wa kiburi. Seigneur, Bwana, délivre ma sœur, komboa dada yangu, de l'état de l'esprit colérique, hali ya bisilani, remplis-la, umujaze, na upole, na utawa, na unyenyekevu, na hali yako, mujina la Yesu Kristu. Mena, sasa, les mélancoliques. Bale bakunungurika nungunika. Bakujinana sana. Bakuweka. Bakuchungia bilani vya ndani. Ah. Unamwambia mama. Tu lui dis un problème, il garde ça. Unamwambia mama. Quand tu lui dis quelque chose, il garde ça sur son cœur. Unamwambia mama. Tu lui dis quelque chose, il garde cela sur son cœur. Utapasuka. Tu vas éclater. Na siku utapasuka. Et le jour où tu vas exploser. Ni enfer. C'est l'enfer, ingena. Maintenant, ça, Mungu. Il a mis la repentance dans l'église. Aliweka toba mkanisa. Pour que quand tu es plein, juu wakati unayala, unachunga bitu vibaya. Que par la repentance, kupitia toba, tu puisses faire sortir. Upate kutosha avyo. Tu es libéré. Unakuwa unakombolewa, unakuwa huru. Unarudisha katika upatanisho. Les mélancoliques. Bale bakuchungia bitu ndani. Basi bakuchungia mania yabo ya mbaya ndani. Mais ce sont des personnes patientes. Lakini batu bavumilivu. Mais il doit veiller à la rancœur. Lakini mnapaswa kuchunga kuile chuki banachunga ndani. Si tu es mélancolique. Kama uko mtu akuchungika vitu ndani. Ça c'est qui? Ule ni nani? Ça c'est le fils de David. Mwana wa Daudi. Il dit à sa sœur. Anasema dada yake. Tais-toi. Nyamaza wewe. Si ton frère t'a violé. Kama ndugu yako alikutendea mbaya, kutendea alikukamata kwa nguvu, ni mtoto mfalme. Tais-toi, ne fais pas. Nyamaza, usifanye makelele. La Bible dit. Biblia inasema. Il n'a pas dit ni à mal. Ashukuriche ni mambo hata kwa amani. Mungu ananiangalia kwa sura. Regardez-moi sur le visage. Tais-toi. Nyamaza. Tu veux faire la honte à la famille royale. Unafaa kuleta haya kwa jamaa ya kifalme. Tais-toi. Nyamaza. La Bible dit, Biblia nasema, il n'a pas parlé ni en bien. Ashikuseme wala mbizuri wala mbubaye. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Alichungia ile bishilani ndani. La sabuyoni. Bilanza kutokota. Bikuna tokota. Il prépare un plan. Atengeneza mapu. Je vais faire un anniversaire. Mitatengeneza karamu ya siku kuzaliwa baba. Ah, invite, donne-moi tous mes frères de venir. Se réjouir avec moi. Unipatie bandu wangu bakwe bote tufurahie nabo pamoja. Daudi akasema, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ni nini unapenda basi? Tes frères seront à ta charge. Bantu Dieu yako, béni, papa. Mungu alibariki baba. Mais en lui, ndani yake, il avait la rancune. Alikuwa sasa kuchunga bishilani. Comprends ton frère. Il yake. Voulait par la fête. Alipita kupitia karamu. Atumie sasa. Le fruit de sa colère. Ile tunda ya bishilani yake. C'est la rancune amen. Ile chuki alikuwa sasa chunga ndani yake. Akasema matumishi yake. Quand nous serons dans la joie. Wakati toka katika furaha. Egeye par le feu. Bwenye kufurahiwa na mvinyu. Bwenye kula. Kiwe mon frère. Uwa ndugu, muwe ndugu yangu. Musiwe na huruma juu yake. Kama sikufe, mweye mtakufa pafazi yake. Bakaua ndugu yake. Alichunga nini? La ranki. Chuki ndani, asira. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mupa moja na mie. Je vais terminer. Ntamaliza. Le sanguin. Bale ba kuchamuka. Sanguin. Ba damu ya moto moto. Bapana batu ya kutawala. Le sanguin. Bale ba kutawala. Personne autoritaire. Batu wenye ba mamlaka. Bini kwa autoritaire. Des personnes. Batu. Qui ont la tendance à dominer. Bale ba napendeka paka kutawala. Qu'il soit pauvre. Awe maskini. Qu'il soit riche. Awe mtajiri. Analfabet. Wakosho kujifunza. Intellectuel. Wakujifunza. Mfalme. Mugija. Mutumishi. C'est son tempérament. Ye njo ali yake. Lui. Ye tu. Nipaka mie, mie, mie. Lui il donne des ordres. Yeye kuleta paka maagizo. Ukamcontradire. Ukapitana naye. Il te traite de tchichi. Anakutendea soko kwa kichwa. Il te traite de folie. Anakuona sasa unamkosa, huko mkosa adabu. C'est son point faible. Na yeye ndio udhaifu yake. Il pense que tout ce qu'il dit. C'est bien peut-être atasema. C'est ce qu'on doit faire. Ndio bila tunapasha kufanya. C'est ton tempérament. Ndio hali yako. Il a le bon et le mauvais. Eko na ngambo ya mzuri na ngambo ya mbaya. Écoutez. Msikilize. Josué. Yoshua. Paul. Paulo, c'était des sangues. Balikuwa batu ba mamlaka. Que son autorité. Batu ba mamlaka ya juu kupenda kuongoza. Na nyumba yangu. Nous servirons l'Éternel. Natumikia Bwana milele. Paul. Paulo. J'apprends. Najifunza. Vous tolérez quelqu'un au milieu de vous. Unapata habari kusema unatolea mtu katikati yenu yona bibi wa pili. Ile haya ile mie. mwenye kuwa pale katika roho milicha kumutoa mikono ya shetani mwenye kuwa mamlaka kupenda kubeba mpango anabeba mamlaka yake anaongoza juu apate kufuatia bei kuneno la Mungu eti Mungu alifuata naye anapaswa kukesha kunini anapaswa kukesha na kuepuka kuwa wa kutawala tawala wengine wala kuwa na mamlaka ya kuponda wengine ni nia yenye kwa karibia naye ya mubaye tumalizie sasa avec le frère na wadhaifu mtu wa nia dhaifu mtu wa nia dhaifu le frère mtu wa nia dhaifu amen il doit éviter la peur anapaswa kuepuka hoga boka il doit éviter la lâcheté na anapaswa kwa mtu akuepuka kwa kuachilia Ibrahimu alikuwa mtu mdhaifu wa ndani personne a faible volonté mtu ule mapenzi yake ya udhaifu haleluya amen deux fois mara mbili pour la première fois mara kwanza il donne Sara anampana Sara anasema mambo ikamwelezo kutoka ndio ni palikuwa ni mambo tu palitenda vile unaweza kusikia mara mbili anafanya tena kosa moja il était heureux alikuwa waboka alikuwa mtu wa achilio est-ce que vous me suivez mnanifuata est-ce que vous êtes là eti mko hapa maintenant pourquoi je vous ai montré tout ça sasa jua nini nimeonyesha hivi vitu vyote la complémentarité kuongezeana et c'est ça le message que vous allez partir avec ce Joel ou même tenda nayo si il y a seulement des Paul dans l'assemblée kama mko paka ba Paul au makutano cette assemblée vous allez la fuir ile makutano mtaikimbia si il y a seulement des Abraham dans cette kama mko paka ba Ibrahim au makutano katikati ya baongozi benu la mondanité va entrer ki maisha kidunia itaingia ajili maisha ya uzai ya mbafu itaingia binaunganishwa na hali yake. S'il y a des colériques, comme vous pas bichlani tout apa. Ils vont passer, ils vont déchirer toujours les bibles ici du haut de la chaise. Batanza pas kupasula makani, ma biblia kumimbari, paka vile mtu alikuwa wa bichlani. Akapasula. Ikaideshira. Est-ce que vous êtes avec? Et si vous pamoja na mimi? Qu'est-ce que Dieu fait? Mungu anafanya nini? Baizire. Baizire. Colérique. Wa bichlani. Honoré. Honoré. Flegme. Umuntu wa uzaifu, mupole, Yusufu. Efezia 4. Wa Efeso sura 4. Amen. Amen. Mélancolique. Wa kuchungia mambo ndani. Est-ce que vous me suivez? Unafuata? Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu anifuata. Maintenant quand il se présente le ministère. Wakati banatumikisha mahuduma bote. Le ministère. Mahuduma. C'est l'esprit. Ni roho. Mais le tempérament. Lakini hali ya ndani. C'est le côté humain. Ndio hali ya mtu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu anifuata. Mungu pamoja na mimi. Suivez moi maintenant. Le tempérament. Hali ya ndani ya mtu ni weye. Ce n'est pas les démons. Aina mademoiselle hapana. Maintenant. Sasa. Tu dois accepter. Unapata kuitikia. Ile hali yako ya ndani iko na udhaifu yayo na kuita Yesu ajaze ile sehemu kule ngambo kwa udhaifu. Unanifuata? Eti mko hapa raison pour laquelle je n'ai pas su couper, arrêter. Alléluia. Amen. Maintenant, sasa, le pasteur Fleck. Pastori, wa kuchungia bintu ndani. Pasteur. Pastori. Le frère exagère. Banduku banapitisha. Il exagère. Anapitisha nduku. Ndio maisha yake. Mwache kwanza mbele. Laissez d'abord. Mwache tumuangalie. Observons-le d'abord. Tumchunguze. Et nous puissons un peu l'examiner. Observons-le. Frère Muniachie wa. Frère, laissez-moi le temps. Tena wakati. Il a encore le temps. Kanisa. L'église. Mwache mbele. Laissez d'abord. Polo analambuka. Paul s'élève. Étant donné que vous l'avez supporté, cet homme-là, regardez ce que dit la Bible. Regardez ce que dit la Bible. Tous les wakuzuiza dani akasimama. C'est vrai. Livrons-le entre les mains du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? La complémentarité. Banongezeana, banasaidiana pamoja. Est-ce que vous êtes avec moi? Mkunafuata. Et dans le foyer. Na mujama. C'est la complémentarité. Ni kongezeana kinakosewa huyu huyu anaongeza. Je termine par des exemples. Na malizia na mfano mbili. Dans la nature. Mwasili. C'est la Bible. Ni Biblia. Elle nous enseigne. Inatusaidia, inatufundisha. Dans le parc. Mupark. Il y a le fond. Mukontembo. Le rhinocéros. Muko rhinocéros. L'hippopotame. Muko hippopotame. Vumilia dada. Il y a l'hippopotame. Chunga dada, muko hippopotame. Il y a bifle. Muko ngombe wa pori. Ils sont puissants. Beko banguvu sana. Ils sont gras. Beko banene. Fort. Banguvu. Dans le même parc. Mwile pori moya moya. Il y a l'oiseau qu'on appelle cœur de bœuf. Muko ndege mwingine wanaita sema cœur de bœuf. Le va, pelle de fer. Pepo na wewe tu kumangusha. Maintenant, le tembo, il broute. Anakula mayani, anakula mayani. Anafunyanga vyote. Tu as la gloire de Dieu. Yote mutukufu ya Mungu. Je suis puissant. Niko wa uwezo. Yehova aliniumba na nguvu na uwezo. Mais il y a les tiques sur lui. Lakini kuko tubilulu yulu yake. il est incapable de faire. Ana na uwezo wa kuzunguka hivi à cause de sa puissance. Juu ya nguvu yake. Dieu, Mungu, dans son intelligence, mwakili yake, il a créé l'oiseau là. Alumba ule ndeke, qui peut tomber par le vent. Ule anawezi kuanguka tena mpepo. Il vient. Anakuya. Anashuka yule ya tembo. Ntembo anasema haleluya. Merci Jehovah. Asante kwa kutuma. Merci d'avoir envoyé cet oiseau. Fais ton travail toi. Exerce ton ministère. Et ta pique, ta pique. Et l'éléphant en tête de rugir. Pour dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Que tu sois béni Dieu, tu m'as donné la force, mais tu ne m'as pas donné cette facilité après que l'oiseau ait terminé de manger. Merci oh Dieu, tu ne m'as pas donné la force et tout, mais tu m'as donné la facilité au péché que je puisse vivre du dos de l'éléphant. Qu'est-ce qu'on appelle la complémentation? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je vous parle des animaux? Amen. Complétez-vous. Mongeziane qui n'a côté à oui, on a mongeziane. Namaliza. L'état aussi est cher. Mais il y a des moments l'onction est là. Il faut aussi supporter. Peut-être nous n'aurons pas la journée de demain. Amen. Il y a le crocodile. Kukomunaye, mamba. Le lion a peur du crocodile. Simba, anongopaka mamba. Le bifle. Ngombe wa pori. Il a la dentine. Eko na meno. Sa force est nguvu yake ni mumeno. Il broie. Anaponda, anavinya. Amen. Il mange au nom de Jésus. Eko na kula mujina la Yesu. Alléluia. Amen. Mais il a la faiblesse des dents. Lakini una uzaifu ni ameno. Il meurt par la carie dentaire. Eko na kufa na malaria ya meno. Dieu. Mungu. Il crée un petit oiseau de 250 grammes. Eko na umba, kana umba kandike kamoya ka kilo ya 250. Si tu fais comme ça. Si tu souffles sur cet oiseau là, ça peut partir. Il souffre ça maintenant. Wakati anapumua. Il a terminé à manger tout. Kitaye kumaliza, anaanza kuteswa na ile magonjwa. La journée il sort dans l'eau. Mchana anatoka mumaji. Tout le soleil il ouvre la gueule. Bayuwa pale anafungula kinywa. Cet oiseau là. Kale kandike kale kalamona. Le repère. Kalamona. Bayuwa sur voix. Wakati anaona. Il ouvre la gueule. Anafungua kinywa. Il a. Kanaingia. Il commence à picoter. Kanaanza kupika pika. Il fait son ministère. Kiko natumiza huduma yake. Kanatimiza huduma yake. Là, le crocodile. Et qu'on a sema pas l'alléluia. Alléluia. Bwana ndio faida. Kanakuria. Et dès qu'il a coula, après avoir terminé de manger, et l'oiseau dit aussi, merci Jéhovah, tu as créé ce crocodile ici de manger, mais il n'a pas la force de se soigner. Moi aussi, je ne peux pas abattre, mais je peux aussi le guérir, le soigner. Chacun de nous loue. Et chacun de nous s'humilie. Ni tais-toi, je ne pouvais rien. Et l'oiseau dit aussi, ni tais-toi, je ne pouvais pas survivre. Et les éléphants, et les cœurs de bœuf, tous disent, merci Jéhovah. J'ai terminé. Nina Maliza. Mungu. Elle bariki. Ta femme. Mukiwako. Nitembo. C'est un éléphant. Oui. Toi. Mi cœur de bœuf. Tu es le cœur de bœuf, cet oiseau-là. Ton pasteur. Pasteur Wako. C'est un crocodile. Ni mamba. La puissance. Wa uwezo nguvu. Et anaponda mademona. Il vous amène à la sanctuité. Akore mpeleka ku utakaso. Son associé. Msaidizi wake msaidizi. C'est cet oiseau-là. Jean. Yohano, batoto kidogo. C'est la dernière. Il est à mwisho. Si quelqu'un dit. Kama mtu akisema. Qu'il aime Dieu. Anampenda Mungu. Na anachukia ndugu yake. Eko muongo. Mvumiliane. Wamoja na wengine. Unakamatana kamba kwa kamba. Et nous oublions à la même corde. Nous oublions nos faiblesses. Nous allons de l'avant avec nos qualités. Et nous amenons Jésus-Christ au milieu de nous. Et nous oublions tout. Et nous suivons Jésus. Et nous amènera dans la lève. Pour ce soir, Dieu ya mangaribi ya leo, Mungu ebibariki. Pour ce soir, Dieu ya mangaribi ya leo, que Dieu te donne, Mungu akupatie usikilivu mzuri, ya mtu unaoishi pamoja naye. Dieu ya mangaribi ya leo, Mungu amsaidie kuvumiliana, kuvumilia watumishi ya Mungu. Dieu ya mangaribi ya leo, watumishi ya Mungu wapate kusikia kila mteule, mvumiliane wamoja. Na bengine wadui asira isiwe katikati yenu, muwe mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Mungu emibariki. Pardonnez-moi pour le temps. Kuna wimbo il y a un cantique que vous avez dû chanter. Je l'aime beaucoup. Na ipenda sana. Ma pendezi ya dunia. Est-ce qu'on peut chanter ça? Et tu n'as pas quitté, n'a pas lié comme un gosse waibada. Alléluia. Amen. Ma pendezi ya dunia. Et le président du culte vient. Et le président du culte a pandé. Tout à chez maman. C'est bon. Inamisha bichwa. Bwana mfalme na mwokozi Yesu Kristo. Aksante, aksante kabisa kwa presence yako katikati yetu. Aksante kwa neno iliye dawa ya kutunza magonjwa yetu. Aksante Seigneur, tunaamini kusema kwa Mungu wa vya kweli. Mungu mwenye anayua kila moyo, kila nafsi, kila dhamiri. Na ulisema Seigneur parce qu'on apenda buzuri bwetu na unapenda kokolewa kwetu. Metena saidia dada, saidia nduku. Susi yetu mumaro Seigneur na tunapenda kuya ba Kristo. Mais qui nous rendra capable si ce n'est pas toi? Ainsi, Seigneur, crée la capacité en nous. Rends-nous capables d'être des chrétiens. Fanya yonjua kila mtoto wako mwanaume na mwanamke. Nabariki mtumishi wako. Tunaomba yote na imani mujina bea Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunafika mwisho wa ibada. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Kesho vendredi kuko.